L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette émission mensuelle, deuxième mercredi du mois, comme il l'a été précisé, de 19 à 20 heures. Émission avec plusieurs invités ici en plateau, Jean-Joël Le Chapelain, le directeur de la scène nationale, l'apostrophe. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Joël, peut-être l'occasion de nous présenter les trois autres invités autour de cette table ici en studio, puisque nous allons avoir l'occasion de les découvrir de manière plus avantageuse au cours de cette émission. Qui sont-ils? Alors, sur ma gauche, nous avons Serge Maggiani qui est dans un parcours autour du texte de Dante. Il est seul en scène et c'est pour une longue période jusqu'au mois de décembre avec nous, tous les lundis. À ses côtés, nous avons, en face de lui-même, nous avons Denis Chabroulet, qui est le directeur du théâtre de la Mezzanine, qui a créé Eden Palace et qui est accueilli dans le cadre du Festival théâtral du Val-d'Oise cette semaine à Argenteuil. Et puis, à ses côtés, Pierre de Bettmann, qui est l'artiste associé au théâtre, compositeur de jazz et artiste associé au théâtre, et qui est aussi présent dans un parcours musical qui le conduira avec le concert dont il va nous parler, j'imagine, dans l'agglomération de Cergy-Pontoise à mi-décembre. Très bien. Eh ben, on va se découvrir chacun d'entre eux. Alors, que des hommes, cela dit, au cours de cette émission aujourd'hui. On va essayer de faire mieux pour les prochaines éditions. La mixité oblige. Prochainement, à l'affiche. Notre premier invité à l'affiche, nous n'irons pas ce soir au paradis. Nous allons entendre un petit extrait sonore pour nous mettre déjà en situation. C'était à l'occasion d'une séance de répétition, je le précise, pour nos auditeurs. Et on interroge notre invité immédiatement à la suite. Tu connais pas Célestin V ? C'est l'histoire du pape malgré lui. C'est un vieillard, il est moine ermite, il n'est même jamais allé à Rome. Quand il apprend la nouvelle de son élection, parce qu'on peut être élu pape sans même être candidat, on peut être élu pape sans même faire partie de l'Église. Alors quand il apprend la nouvelle, il s'enfuit. Rattrapé, enfermé dans le Vatican, là, il souffre d'agoraphobie, meurt d'angoisse, de nostalgie pour son ermitage perdu. La nuit, il entend des voix. Il entend une voix. Je suis l'ange envoyé par Dieu. Renonce, renonce, retourne chez toi. C'est le cardinal Cattani, futur Boniface VIII, qui a fait construire dans la chambre du vieillard comme un haut-parleur qui donne sur son lit. Après, le cardinal Cattani, futur Boniface VIII, il se déguise en ange et avec une trompette le terrifie toute la nuit. Alors, Celestino décide d'accomplir le grand refus. Il démissionne, il redevient frère. Le cardinal Cattani, futur Boniface VIII, il devient Boniface VIII. Il fait arrêter le pauvre frère, le fait enfermer et le fait mourir. D'un clou dans la tête. Un clou dans la tête. Souviens-toi de Celestino. Tu vas le rencontrer tout à l'heure en enfer. Dante l'a mis en enfer. Le premier damné que tu entrevois, sans qu'il soit nommé, en enfer, c'est Celestino. Je vis et je connus l'ombre de celui qui fit par lâcheté le grand refus, che fece per viltade il gran rifiuto. Dante, ne lui pardonne pas d'avoir cédé sa place à la catastrophe, à Boniface VIII. Boniface VIII, c'est le fondateur de la catastrophe de l'Église. Mais surtout, de l'Italie. Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Serge Maggiani sur RGB. Alors, effectivement, déjà très impressionné par ce qu'on vient d'entendre, 2 minutes 30, la Divine Comédie. D'abord, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est à l'évidence l'un des plus beaux poèmes de tous les temps. Oui. Alors, vous dites, pour présenter un peu comme ça sommairement ce texte, et surtout pour présenter Dante, il est à la fois un aventurier, un inventeur et un messager. Précisez un peu votre pensée. Oh ben, il est un inventeur parce que c'est un inventeur de langue. C'est un des premiers qui, au Moyen-Âge, a délaissé le latin d'élite pour parler avec la langue mère, parce qu'il pensait que la langue mère, comme ça rejoint la poésie courtoise, tout ça, la langue mère, c'est la langue qui est la plus proche de nous et la plus proche de Dieu. Et donc, voilà, il a inventé, avant que l'Italie ne soit inventée, elle a mis du temps avant d'être inventée, on l'a beaucoup enfanté, beaucoup pensé, mais il a inventé l'Italie 8 siècles avant qu'elle ne soit créée par la langue. La langue italienne a été créée avant même que les autres grandes puissances d'Europe ont été inventées. Alors voilà, c'est un inventeur de langue et puis c'est un messager. Enfin, je dis que c'est l'auteur qui est un messager parce qu'il vient et il porte le texte. Il n'interprète pas le texte. Il est juste le passeur du texte. Et puis comme la langue de Dante et l'histoire de Dante et l'histoire de l'Italie, c'est proche, mais c'est lointain de la culture française. Alors, je raconte un peu, c'est un petit peu le conteur aussi, là, le passage qu'on a entendu, c'est un peu le conteur, et puis on retombe aussi dans la langue italienne. Alors, traversé aussi dans toutes les émotions, il a d'abord aimé à la hauteur du divin, Béatrice, oui. Incontournable, indispensable pour comprendre son histoire. Certains aujourd'hui disent tomber en amour, lui c'est tomber autrement en seigneurie d'amour qui depuis lors gouverna son âme. Oui, oui, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a que des hommes autour des micros, mais on parle de Dante et Dante n'a parlé que de femmes. C'était un adorateur de la femme. C'est Béatrice, c'est la Sainte Vierge, c'est Mathilde. Il y a comme ça, d'abord on sait peu de choses sur sa vie, mais on sait beaucoup de choses des gens lointains comme ça. Je pense à Saint François d'Assise où on a très peu de choses, mais en fait on arrive à savoir comme ça beaucoup de choses. Et on sait qu'il est tombé en seigneurie d'amour beaucoup plus avec beaucoup plus de femmes aussi que d'autres femmes aussi que Béatrice. Mais bon, il a choisi Béatrice qu'il en a fait un personnage christique, même par moments. Béatrice au paradis dit des paroles du Christ, et c'était un amour total, absolu, divin. C'était aussi l'amour courtois, c'était l'époque aussi très importante, je voudrais dire ça, et si je n'ai dit que ça, ça sera bien. C'est que à cette époque là il y a eu une adoration particulière parce que Jésus-Christ, c'était des gens très très terribles à cette époque-là. Ils étaient très méchants, très cruels. Et alors ils étaient trop cruels parce que, par exemple, on avait calculé que sur 100 000 morts, il y a qu'une seule âme qui allait au paradis. Alors c'était un peu exagéré. Alors du coup, on a inventé l'enfer. Alors c'est fabuleux, ça, l'enfer, le purgatoire. Purgatoire, oui. Alors juste, bon, je me laisse un peu aller comme ça dans les traverses, mais l'invention du purgatoire, et il paraît que l'invention du purgatoire, c'est-à-dire qu'en inventant le purgatoire, par exemple, les usuriers n'allaient plus en enfer, mais ils allaient au purgatoire. Mais en allant au purgatoire, c'était la porte ouverte au paradis. C'est-à-dire que ça a complètement changé le monde. Ça a libéré le système de l'argent. L'invention du purgatoire aurait inventé le capitalisme. C'est incroyable, ça. Alors, c'est tout ça aussi. De quoi nous parler aujourd'hui, tout cela, hein, oui, oui, oui, parce que les banquiers, maintenant, en plus, ils vont au paradis. Au moins, avant, ils allaient en enfer. Des fameux paradis fiscaux. Oui, voilà. Hein. Et alors, donc, bon, tout ça, mais aussi, il y a eu l'invention de la femme. Parce que, en réinventant, en réhabilitant l'amour de la Sainte Vierge, tout ça, c'est social, mystique, tout ça, tout se rejoint. En adorant à ce point la Sainte Vierge, par parce que Dieu était trop terrible, on a aussi, en réinventant la Sainte Vierge, on a aussi réinventé la femme. Et c'est-à-dire à la Sainte Vierge, oui, les prières et l'amour, mais aux femmes, à la femme, les poèmes et l'amour. Et c'est là cette éclosion fabuleuse et ce changement du monde à cette époque-là de l'amour courtois. C'est pas seulement, on dit comme ça, l'amour courtois, l'amour gentil. L'amour gentil, voilà, c'est un mot très important, la gentillesse à l'époque, parce que c'était pas la gentillesse, c'était gentile, c'était le gentilhomme, c'était la culture, c'était l'élévation, c'était tout ça. Ah, vous faites le lien avec la journée de la gentillesse qu'on a célébrée hier et où on n'est pas tous d'accord effectivement sur la, l'authenticité de la définition, mais faut-il se rappeler ces racines-là? Alors, capable du merveilleux comme du pire, puisque je vois ce qu'il a traversé également, la mort, respirer, dites-vous, la puanteur des enfers. Et oui, on connaît de Dante beaucoup plus l'enfer que le paradis. Alors c'est vrai que pour des raisons, on est beaucoup plus intéressé par l'enfer. Et puis dans l'enfer aussi, il réglait ses comptes politiques. C'était aussi une œuvre politique, puisqu'il a mis tous les gens, il les mettait, qu'il détestait, et à juste titre, il les met. Boniface VIII, dont on a parlé tout à l'heure, il l'a mis en enfer avant même qu'il ne soit mort. Donc, il réglait ses comptes comme ça. Et là, il avait une rage qui faisait que sa langue a atteint le génie. Sa langue a aussi atteint le génie d'une autre manière au paradis, d'une manière un peu plus abstraite, un peu plus difficile d'accès. C'est aussi à la manière d'un carnet de route fantastique sur les routes d'Italie. On a pu déjà aussi découvrir comme ça avec bonheur cette langue, l'italien, que vous maîtrisez avec facilité. Ben, j'ai pas de mal parce que je suis né là-bas et voilà, je suis né même, je voulais pas faire la confidence, mais je vais vous faire une confidence exceptionnellement, je vais vous le dire. Mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous, c'est promis. Je suis né exactement là où Dante a commencé son exil, là où Dante a commencé à écrire la Divina Commedia, là où Dante même est revenu après pour déposer son manuscrit qui après a disparu, mais le texte est resté. Moi, je suis né à 500 mètres de là. Alors évidemment, je veux dire, ça rend pas plus intelligent, mais je veux dire que ça impressionne un enfant, quoi. Voilà, quand on est sur la plage et qu'on se dit voilà les traces de sable là avec son père, on se dit voilà peut-être que c'est la trace de sable là où il a appuyé son pied, là où il a dit oui que le pied ferme était toujours plus bas que l'autre, qui est un vers très mystérieux dont on s'interroge toujours. Seul en scène, avec cependant un travail qui, je ne sais pas si on peut parler de prolongement, mais en tout cas, ce souvenir fort chez vous d'un travail de lecture dirigé par Valérie Dréville, que vous retrouvez à cette occasion, mais travail qui remonte à 2008 dans la cour d'honneur du Palais des Papes à l'occasion du Festival d'Avignon, et où vous êtes retrouvé en particulier avec parmi les monstres sacrés du théâtre français, Michael Lonsdal. Oui, Michael Lonsdal, Serge Merlin, Recep Mitrovica, Dominique Valadier, Valérie Dréville. Et Valérie Dréville m'a demandé de l'accompagner et de l'aider et de l'assister, de la dramaturgiser et de lire les textes aussi sur scène. Donc on a eu tout un travail en amont de plusieurs mois absolument fantastique parce qu'on a plongé dans le texte, dans l'histoire, tout ça. Et puis il y a eu cette soirée formidable, donc où tous ces acteurs sur scène, il s'est passé une chose extraordinaire, comme il se passe des fois à Avignon. Il y a eu un cataclysme de vent, une tourmente infernale, aurait dit Dante, la bufera infernale que mai non resta mena gli spiriti con la sua rapina et tout ça. Et en plus, dans le cadre du festival du Palais des Papes, merci Valérie Dréville, admirable Valérie Dréville, je profite pour qu'elle ne soit pas là pour le dire, parce qu'on n'ose jamais dire les choses. du bien des choses, les gens qu'on aime quand ils sont là. Et donc, elle est, c'est une personne et une actrice absolument extraordinaire. Et donc, elle m'a fait dire à la cour d'honneur, elle m'a fait dire ces fameux vers contre les papes d'Avignon. Et voilà, c'est ma grande fierté de ma vie. Je ne le dis pas dans le spectacle, mais ici, je vous le dis, puisque je vous dis tout ce soir. Ma grande fierté de ma vie, c'est d'avoir dit à la cour d'honneur la harangue contre les papes. Merci. Alors, Jean-Joël Le Chapelain, ce spectacle est présenté sous une forme un peu différente des fois précédentes, puisque là, il est question d'une série, d'une longue série, 5 représentations étalées chaque lundi du 12, 19, 26 novembre et 3 et 10 décembre. Pourquoi cette série ? C'est-à-dire que on est toujours confronté dans les théâtres à la question de la présentation sur le long terme et de permettre au public de venir voir régulièrement, de pousser régulièrement la porte du théâtre, ce qui présente un certain avantage d'ouvrir largement et plus largement les portes du théâtre à plus de personnes, et puis aussi pour l'artiste de lui permettre d'être le ou les artistes d'être plus longtemps installé dans un lieu et d'ainsi d'avoir une relation avec le théâtre et avec la population autour, un peu plus intense. Alors, nous pourrions le faire sur toutes les productions du théâtre, tous les accueils que l'on fait, on le ferait bien volontiers. Il se trouve que c'est assez difficile à imaginer, dans une ville de banlieue comme ça, de pouvoir faire des longues séries. Et c'est pourquoi nous avons inventé ce processus il y a plusieurs années maintenant, où saison après saison, nous choisissons un format de projet artistique qui permet d'être présenté comme ça, sans grosse machinerie scénique, et d'être présenté régulièrement, ce qui permet d'imaginer que le bouche à oreille, dit-on vulgairement, puisse s'opérer, et que finalement les gens qui sont venus un soir en reparlent, que l'artiste est là, il vient se mettre dans ses marques semaine après semaine, donc vis-à-vis de l'équipe du théâtre c'est formidable, et puis vis-à-vis du public aussi, et donc c'est pourquoi on a inventé ça, et je trouve que c'est une formule qui nous permet d'aller dans le sens des objectifs que l'on se donne de permanence des artistes sur le territoire. Nous n'irons pas ce soir au paradis, d'après la Divine Comédie, seul en scène Serge Maggiani, l'occasion de retrouver effectivement, comme on le disait tout à l'heure dans la présentation, l'un des plus beaux poèmes de tous les temps, assurément, c'est dans une langue qui nous donne l'envie de voyager également. Puisqu'on parle de voyage, eh bien, détour par une musique que vous avez choisie, Serge Maggiani, présentez-nous votre choix. Alors, mon choix, ça paraît un peu éloigné de Dante, mais non, c'est pas très éloigné de Dante. Enfin, je veux dire, c'est toujours de la langue, quoi. Alors, il faudrait d'abord écouter la chanson pour que je l'explique un peu, mais vous la comprendrez tout de suite. On y parle... parce qu'en Italie, on parle beaucoup, vous savez, on dit les Italiens, ils sont bavards. Ils parlent beaucoup, mais en fait, ils communiquent beaucoup, quoi. Ils parlent beaucoup de politique, ils parlent... ils s'éduquent eux-mêmes, ils se défendent aussi contre la barbarie, justement, par la parole aussi, quoi. Et donc là, c'était des chants des pauvres, des chants antifascistes. Là, c'est un chant antifasciste où on parle de personnages qui s'appellent Mussolini et Hitler, et voilà, c'est des chansons. Mais Dante aussi parlait des puissants du monde et les envoyait en enfer. Et le peuple aussi envoie ses démons aux enfers. Fai giusto due chili, vai. Guarda i calcini in pantalona di pari, signore! Cose belle! Popolo del paese, sentite, sentite, sentite! Per ordine di sua eccellenza, lo fascista, lo federale di Foggia, tutte le femmine che fanno lo figlio sono premiate. 3.000 lire per ogni figlio, e se poi li chiamano benito, doppio premio e favorito. Hitler e Mussolini sono stati due assassini. Hanno voluto fare la guerra per dominare mare, cielo e terra. Allo tempo degli fascisti attaccavano i manifesti. Le donne hanno figlia, lo popolo ha da aumenta. Quella donna che hanno figliera gli va a pregare santo la zera. Per un figlio 3.000 lire, se era mascolo 5.000 lire. Chi lo chiamava Benito, doppio premio e favorito. So passate poco d'anni, lo paese pieno di guagliule, tutti scavezzi e affameti. Quello premio ci ha rovinati, a lo sangue di chi te morto, che te pozze nascide in canna. Allo sangue di chi te morte, che te pozze nascide in canna. Uè che grossa fregatura, con mamma fa questi creature. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. À suivre. Alors, juste avant de dire la suite, j'ai omis d'indiquer que les représentations du spectacle « Nous n'irons pas ce soir au paradis » sont encore à l'affiche les 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre à 20h30 et que c'est à l'apostrophe au Théâtre des Arts à Cergy Centre. Voilà qui est précisé. À l'affiche, Eden Palace, avec notre autre invité, Denis Chabroulet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, spectacle promenade, ce qui est eh bien pour une première représentation à compter d'aujourd'hui. On est vraiment en pleine actualité pour une série de représentations qui vont s'étaler jusqu'au 22 novembre. Avec là, une invitation pour un voyage tout à fait singulier. Vous nous transportez dans un cinéma des années 60. Vous allez nous faire revivre en quelque sorte... peut-être pour nous mettre en appétit aux fameuses 30 glorieuses, parce que ceux qui ont un peu de mémoire 30 ans en arrière, 30, 40 ans en arrière, c'est une période synonyme d'insouciance, synonyme de joie de vivre. Parfois, maintenant, aujourd'hui, on nous ferait culpabiliser d'avoir vécu ces 30 glorieuses. Alors, de quoi s'agit-il, Eden Palace ? Eden Palace, c'est un travail, ce que j'appelle, sur le grand écart. Voilà. Alors, j'expliquerai ce que c'est que le grand écart pour moi, pour nous. En tout cas, Eden Palace, c'est surtout le cinéma de mes 10 ans. Lorsque j'avais 10 ans, tous les jeudis après-midi, j'allais pas à l'Eden Palace, j'allais au Fontainebleau, à Porte d'Italie. Et c'est ce cinéma-là que c'est nostalgique. Donc toute cette époque-là, évidemment, elle était très forte et m'a donné envie plus tard de faire du spectacle. Voilà. Maintenant, le spectacle en lui-même, c'est effectivement un grand cinéma. L'idée, c'est de faire rentrer les spectateurs, leur faire passer le miroir. On passe à l'intérieur de ce cinéma. Il y a quelque chose de poétique, de magique, je trouve, dans cette façade. Et puis après, on rentre dans un endroit assez particulier où là, on va pas trouver des fauteuils et puis un écran, quoique à un moment aussi. Mais on va parler de choses qui me tiennent à cœur. C'est toujours les mêmes choses. C'est cette injustice permanente de notre société, de ce que nous vivons tous les jours. Voilà. Donc le grand écart, c'est après, je vais pas vous raconter tout le spectacle, mais on va rentrer dans un opéra où on va admirer et entendre une chanteuse d'opéra qui chante des choses extraordinaires dans un théâtre à l'italienne avec du tissu rouge, avec de l'or, des choses qu'on appelle riches comme ça. Et puis on se dit, mais cette société, c'est formidable, on le fait. Parce que c'est un peu comme l'accouchement, quoi. On arrive, on sort, c'est l'accouchement, on arrive sur cette terre et on tombe sur un opéra avec des gens merveilleux, beaux, bien habillés, extraordinaires. Oh, dis donc, moi je reste sur terre. Hein. Ben oui, c'est presque paradisiaque ce que vous évoquez là. Voilà. Mais ensuite, après, ça se gâte un petit peu parce que justement, c'est ça le grand écart. C'est quand on va passer, il y a un personnage qui va nous attendre un petit peu plus loin comme ça parce que ça se passe par groupe de 20, évidemment, parce que il y a une intimité. Et on se retrouve, il y a une personne qui distribue des parapluies comme ça. Et puis évidemment, il se met à pleuvoir. On monte sur une passerelle, on passe des escaliers et on se retrouve dans un endroit où on voit une femme se débattre dans la boue, voilà, et qu'est-ce qu'elle fait là? Il pleut de plus en plus. Alors on pourrait se retrouver, on pourrait regarder une guerre, ça pourrait être le Vietnam, ça pourrait être notre fosse sceptique. On ouvre la fosse sceptique et on voit dedans se débattre des personnages comme ça. On ne sait pas d'où ils arrivent, mais on sait en tout cas que leur passage sur Terre, ou en tout cas dans cette fosse, est dramatique et triste. Et pour moi, c'est ça, j'avais envie de raconter ça. Je pense que c'est un sentiment commun. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent penser la même chose, et je pense que c'est tout à fait quotidien. C'est que les écarts sont de plus en plus énormes, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de construire une pyramide comme ça immense, où la base est de plus en plus large, et on va monter tout doucement vers le pic de la pyramide, et au bout d'un moment, il va rester qu'une seule personne qui va diriger ce monde, et la base sera de plus en plus épaisse, de plus en plus large, donc de plus en plus de gens lâchés, dépossédés, à la dérive, malheureux, tristes, etc., etc., etc. Et ça me semble insupportable. Mais je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, j'ai l'impression. Hein, Alors, l'occasion peut-être aussi de traduire par le théâtre, et dans un dispositif scénique quand même tout à fait original, on va y revenir, mais de traduire par le théâtre ce qu'on entend régulièrement finalement, depuis que le monde est monde, et les époques ne changent pas, foncièrement, la nature humaine, l'homme est capable de tout, du pire comme du meilleur. Et vous rajoutez, du pire au meilleur, mais dans un monde sans milieu. Oui, oui, je pense que c'est ça le grand écart. C'est on est dedans, je crois. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de. On tombe dedans, quoi. C'est terrible, c'est abominable, et on le dit clairement maintenant. Je crois que il y a même plus de gêne par rapport à ça. Moi, je suis régulièrement, je lis des journaux, ce qu'on appelle des compléments le samedi et le dimanche. Et ces compléments sont faits de publicité, évidemment, sinon ils ne pourraient pas le faire. Alors des publicités de luxe, on tourne la page et on se retrouve un photographe magnifique, extraordinaire. Il y a toujours des photos magnifiques, mais on photographie la misère, la mort, etc., etc. Et on ne se rend même plus compte qu'il y a sous ces photos, il y a de la vie, quoi. Et donc ça se normalise, ou ça se normalise dans le fond. Pourquoi pas Alors c'est vrai que vous nous invitez, quand je parlais de voyage, j'étais pas loin quand même de l'idée, puisque on passe d'un espace à un autre, de lieu en lieu, dans cette architecture, parce que votre décor, c'est assez impressionnant, 16,50 m sur 17,80 m, hauteur 5,40 m, on se dit là, on est invité par petits groupes à nous immerger dans cet espace théâtral. Oui, c'est une déambulation. C'était cette envie de depuis quelques années, d'abord de casser ce rapport frontal au théâtre qui disparaît un petit peu dans ma tête. Donc imaginer, oh, la déambulation, c'est quelque chose de très répandu. L'idée, c'était un peu de comparer ça à une fête foraine. Dans la fête foraine, on passe d'un stand à un autre. Quand on est dans le train fantôme, on écoute à côté les gens qui tirent avec leurs fusils ou les autotamponneuses. Et comme c'est un spectacle, effectivement, où on passe d'un lieu à un autre, et puis c'est beaucoup chanté, chant lyrique, il y a de l'opérette, il y a des hélicoptères, parce que quand on est au Vietnam, évidemment, il y a des hélicoptères, il y a Jimi Hendrix, il y a Janis Joplin, c'est toute cette époque. Et puis évidemment, il y a aussi, on passe aussi par un endroit que j'aime beaucoup, c'est un endroit de marionnettes, de marionnettistes. La patinoire, c'est l'histoire, c'est pas l'histoire, c'est Kate et William que j'ai découvert, ces deux personnages que le monde entier a aimé, à embrasser, à aduler, à regarder à la télévision. Besoin de rêve, enfin. Mais oui, je le comprends tout à fait. Alors j'ai évidemment envie de montrer ces personnages-là, donc j'ai fait appel à deux marionnettistes à fil long qui viennent de Roumanie, qui sont du théâtre de marionnettes d'Arad en Roumanie, qui sont deux marionnettistes que je trouve étonnants. Et donc on se retrouve avec du fil long, c'est-à-dire que les marionnettistes sont à 5 mètres de hauteur, et on a Kate et William sur une patinoire, et ils nous racontent un petit peu, c'est un cadeau cette patinoire, on leur a fait cadeau de cette patinoire, parce qu'on leur a fait beaucoup de cadeaux quand même, quand on se marie on fait des cadeaux. Alors eux, ils ont eu une patinoire, ils savent pas quoi en faire, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'à la fin, ils sont comme les autres, ils s'engueulent et puis ils foutent le public à la porte, etc., etc. Il y a ces personnages-là que j'aime beaucoup. Donc, deux marionnettistes étonnants, je trouve. Voilà, puis après, on passe... Je ne vais pas vous dire la fin parce que la fin, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde a aimé. Bon, voilà. En même temps, regard des évocations que vous venez de nous livrer, ce passage du merveilleux à l'insoutenable, parce qu'il y a effectivement des passages où l'insoutenable est là, projeté de manière assez fulgurante. Quand je dis projeté, pas forcément de manière cinématographique, si ce n'est qu'on est dans l'Eden Palace tout de même. Oui, mais il y a aussi un film. C'est-à-dire qu'à un moment, après, on se retrouve dans un endroit où il y a une petite salle de cinéma et on a été... Alors ça, pour l'insoutenable, on a été l'année dernière au Rwanda et on a fait un travail sur le génocide. Et on a rencontré des rescapés, on avait des rendez-vous là-bas et on a fait un film de 10 minutes sur le génocide du Rwanda. Alors évidemment, faire un film de 10 minutes sur le génocide du Rwanda, c'est impossible. Donc on a essayé de faire quelque chose de 10 minutes qui, à mon avis, explique bien les choses. C'est étonnant, je trouve ça étonnant. Mais c'est pas non plus... Là, on parle des choses terribles, on parle du Vietnam, de fausses sceptiques, de choses atroces, du génocide. Mais il y a du merveilleux également. Bah oui, quand même, j'espère, parce qu'il y a tout l'extérieur quand même. Quand le spectateur sort du cinéma, de la salle de cinéma, il se retrouve donc en haut des escaliers de cet Eden Palace, et là il y a un orchestre avec des gens qui chantent, qui dansent, etc. Et en bas, il y a un endroit où on peut s'attabler, boire, manger, etc., etc. Peut-être que l'espoir, il est là. Peut-être que l'espoir, il est quand on sort de cet endroit, l'espoir, peut-être qu'il est tout simple. C'est peut-être une soupe, un morceau des poisses, et puis du vin, et puis une convivialité, des gens qui communiquent et qui parlent ensemble. Parce qu'en fait, le peuple ne veut pas tout ça. Il ne veut pas toute cette misère. Les gens se battent, les pays se battent les uns entre les autres. Ce sont les politiques qui se battent, ce sont les hommes qui détiennent l'argent, qui vendent des armes. Mais nous, hein? Il n'y a pas de problème entre nous. C'est ce qu'on disait au Rwanda, parce qu'ils ont quand même des choses à nous reprocher, quand même, les Rwandais. Quand même. La France n'est pas vierge, quand même, dans cette affaire. Mais quand on parle ensemble, on a vraiment beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, et nos points de vue se rejoignent. Et c'est ça qui est étonnant. Ce qu'il faut, c'est effectivement balayer tous ceux qui nous dérangent, les envoyer en enfer, c'est sûr. Voilà, entre ce rire et larmes, la joie de vivre aussi, également, qui peut se transformer en fureur de vivre. C'est tout le propos de ce spectacle, dans cette ambiance particulière qu'on vient de se traduire, mais aussi dans cet environnement, parce que là, vous allez vivre une expérience bien singulière dans le rapport au théâtre, dans le rapport de l'espace théâtral, en rentrant les uns après les autres dans cette Eden Palace, c'est à Argenteuil dans le cadre du Festival théâtral du Val-d'Oise du 14 14 au 22 novembre, avec un spectacle qui sera en tournée à Meaux au mois de février, Lieusaint mars-avril, et même à Charleville-Mézières, puisqu'on évoquait les marionnettes tout à l'heure, lieu incontournable aussi pour le théâtre contemporain, et en particulier autour de la marionnette. Merci Denis Chabroulet. Les artistes en résidence. Alors, je me retourne à nouveau du côté de Jean-Joël Le Chapelain, peut-être pour nous expliquer l'intérêt de ces résidences. Pourquoi choisir en résidence des artistes comme notre invité à venir, à savoir Pierre de Bettmann? Ouais, d'abord parce que les artistes ont besoin de lieux pour créer leur spectacle. C'est la première des raisons. Et puis depuis plus de 10 ans maintenant, enfin depuis mon premier contrat d'objectif au théâtre, à la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, j'ai proposé à mes tutelles de faire un travail qui associe, sur des périodes plus ou moins longues, mais qui se situe autour de 3 ans environ, en moyenne, ça peut aller jusqu'à 4 ans et quelquefois 2 ans, mais la moyenne c'est 3 ans, des artistes qui travaillent dans le théâtre et qui sont amenés à faire leur production dans ces endroits-là, dans l'un des deux théâtres, et puis que nous accompagnons, que nous essayons de promouvoir sur le département et ailleurs. Et donc c'est un compagnonnage qui donne du sens à la présence artistique dans un théâtre, parce que souvent les institutions sont catalogués méchamment comme étant des lieux de... des garages. Ce sont des garages. Quand on vous dit des méchancetés à notre endroit, on dit que nous sommes des garages. Pour diffuser uniquement des spectacles. C'est ça, laissant entendre que finalement, ça passe, mais qu'on n'y fait rien, et puis que ça pourrait être n'importe quoi. Donc ça, ce sont des mauvaises langues, et on ne retient pas ça, mais la réalité, c'est que en effet, un théâtre ne vit qu'avec le projet artistique du théâtre, et avec les artistes qui, finalement, compose ce projet artistique. Donc ce compagnonnage est absolument déterminant et important, nonobstant le fait qu'il permet aussi aux spectateurs de rencontrer, période après période, des langages différents, des esthétiques différentes, et que donc on a la faiblesse de penser qu'on contribue ainsi à former le goût des spectateurs tout en donnant les moyens aux artistes que l'on reçoit. Donc c'est ça l'ambition. Occasion de faire connaissance avec Pierre de Bettmann, puisque nous allons avoir l'occasion de le découvrir. Il y a eu déjà une première rencontre qui s'était faite au mois de juin ce dernier, c'est ça? Oui, il n'est pas totalement inconnu, Pierre. Il a déjà fait même notre première rencontre avec le théâtre. C'est faite d'ailleurs à La Roche-Guyon, dans un solo que nous avions proposé à Pierre il y a 2 ou 3 ans, dans le cadre de Jazz au fil de l'Oise d'ailleurs déjà, et qui avait permis à Pierre d'être dans cette grande salle, cette belle salle du château de La Roche-Guyon, dans un rapport très très intense et étroit avec le public. Pianiste de jazz et bien plus que cela, serais-je tenté de dire. Alors en solo, comme Jean-Joël Le Chapelain vient de le rappeler, en duo c'était au mois de juin, on va pouvoir vous découvrir en trio et en quartet, avec pour cette fin d'année 2012 deux projets, l'un donc Gauche, en relation et en lien direct avec votre nouvel album en quartet, Go comme un manifeste, vous allez nous en dire quelques mots, et aussi deuxième projet qui lui sera en formule trio, la formule de concert commenté, ce qui va être donc présenté au Forum de Vauréal autour, pourrais-je dire, de Herbie Hancock. Mais là, pareil, il va falloir nous préciser. D'abord, Gauche, nouvel album, ce qui lui est sorti récemment, c'était en septembre dernier, 2012, en quartet, disais-je, avec 3 compagnons de route, David Elmalek au sax ténor, Vincent Artaud à la contrebasse et Franck Agulon à la batterie. Un manifeste, c'est ça? Oui, vous en avez déjà dit énormément. C'est difficile de rebondir sur tout ce que vous avez dit. Oui, c'est un titre que j'ai. Go, c'est un titre évidemment que je revendique, que j'ai à l'origine à moitié choisi. C'est-à-dire quand on sort un disque, on est pris dans un ensemble économique qui regroupe aussi des producteurs et qui ont leur mot à dire. Et c'était un titre que j'avais attribué à un de mes morceaux, parce qu'il se trouve que le fil des projets que je fond me donne l'occasion d'écrire beaucoup de musique. C'est en tout cas un parti pris que j'ai trouvé intéressant à essayer de développer, de mener depuis un certain temps que je fais des disques en leader, tout seul en leader, si j'ose dire. J'avais pour ce disque en quartet écrit beaucoup de... Moi, j'ai écrit 8 ou 9 morceaux, je crois, dont un portait le nom Go, qui est à l'origine un hommage à un homme qui s'appelait Jean-Christian Fauvet, qui était un théoricien des organisations, de la sociologie des organisations, avec lequel il se trouve que j'ai travaillé dans une vie un peu antérieure, et que c'est un type que j'aimais beaucoup, qui n'est plus de ce monde malheureusement, et qui était un passionné de jeux de Go, et qui utilisait le jeu de Go comme une espèce d'image. Il assumait ne pas beaucoup en jouer, et je dois donc immédiatement reconnaître que je n'en joue pratiquement pas, mais il y avait un certain nombre de modèles qui s'est issu de ce jeu, et qui lui semblait extrêmement intéressant à analyser dans le cadre de jeux d'acteurs ou de jeux de partenaires, comme il les appelait lui-même, quand il s'agissait notamment de construire un projet commun. Et alors, il a construit un certain nombre de concepts, de réflexions autour de ça. Et puis alors, évidemment, mon producteur, dont je parlais tout à l'heure, s'est un peu engouffré dans la brèche en disant, je trouve que c'est un titre concis, un titre positif, ça me paraît très bien pour les temps actuels, et j'ai dit d'accord. Voilà. Alors, tout cela au travers d'un enregistrement live, donc une manière finalement de passer plus facilement à la scène pour les concerts qui vont suivre. Enregistré live, disais-je, tous les musiciens dans la même pièce avec vous au piano acoustique, mais pas seulement. Vous avez fait un retour au piano acoustique, on s'en étonne. Oui, il se trouve que non, je n'avais pas laissé tomber le piano. Il se trouve que je partage ma vie sur scène entre des projets que je dirige et des projets dans lesquels je suis sideman, comme il est coutume de dire dans le milieu du jazz, c'est-à-dire dans lesquels je suis dirigé par d'autres personnes qui montent des projets qui ont besoin d'un pianiste comme moi. Et donc dans les projets en sideman, j'ai quand même fait beaucoup de piano. J'en fais depuis toujours, je pourrais dire. Et il se trouve que, en revanche, les projets que je dirigeais depuis 4 disques, je les faisais essentiellement au Rhodes, au Fender Rhodes, qui est un instrument que je trouve assez extraordinaire, qui a été inventé par un monsieur Rhodes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est un piano qui a connu véritablement un développement industriel et surtout commercial. Il était extrêmement... Et qui s'est affirmé comme un vrai instrument au cours des années 60 et 70, et je trouve que c'était un instrument intéressant à développer. Là, pour ce piano, pour ce nouveau disque en quartet, j'ai décidé de revenir essentiellement au piano, et j'ai mis un peu de Rhodes quand même, un peu de clavier aussi à droite à gauche. On va vous découvrir le mardi 11 décembre donc à l'Apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy-Centre, dans cette formule en quartet. Il y aura aussi un autre rendez-vous, ce concert en trio, commenté donc au Forum de Vauréal autour de Herbie Hancock. Formule du concert commenté, c'est comment vous avez construit tout cela ? C'est une formule que je propose parfois, et je trouve que l'occasion d'une résidence est vraiment une bonne occasion où, comme Jean-Joël le disait tout à l'heure, on essaie de construire un peu un partenariat à la fois avec un lieu et avec un public. Le concert commenté, au fond, tel que je l'ai déjà un petit peu pratiqué par le passé, ça consiste à choisir un thème qui est généralement un répertoire cohérent ou l'œuvre d'une personne. Là, effectivement, en l'occurrence, nous avons choisi Herbie Hancock, et de proposer un concert qui soit complètement centré sur l'œuvre de cette personne et d'inclure au fait de jouer, c'est quand même un concert, ça reste un concert, donc c'est une prestation essentiellement musicale, mais d'inclure un certain nombre de repères, d'abord biographiques, et éventuellement pas musicologique, parce que j'ai pas envie d'en faire un truc trop intello, mais de artistique, on pourrait dire, de donner quelques clés de lecture sur les différentes périodes du parcours d'un maître. Voilà, et Herbie Hancock est un bon sujet d'étude. Ça sera le rendez-vous le 13 décembre, donc dédié à Herbie Hancock, indispensable pour découvrir effectivement cette histoire du jazz, pianiste emblématique s'il en est un effectivement dans cette histoire. Il y aura d'ailleurs un autre concert commenté plus tard dans la saison, le 13 avril prochain à Erani, là autour eh bien, d'une icône de l'histoire du jazz qu'est Jarrett. Autre icône. Un truc, je ne prendrai pas tout à fait de la, ils n'ont pas exactement le même genre de parcours, ils n'ont pas exactement le même jeu, mais c'est de maîtres incontestés. Le jazz, eh bien, c'est aussi cette semaine, dans le cadre du festival de jazz au Fil de l'Oise, avec l'indispensable, incontournable Nuit du Jazz, qui célèbre sa 5e édition, si j'ai bonne mémoire, le 17 novembre, au Théâtre des Louvrets à Pontoise, avec une affiche de choix, Jean-Joël oui, Le Chaplin. Ibrahim Malouf et Shai Maestro, donc ces deux formations qui d'ailleurs font en ce moment pour beaucoup la une de beaucoup de journaux spécialisés et des grandes émissions de jazz. Donc là, c'est le projet de Jazz au Fil de l'Oise qui est dirigé par Isabelle Méchali, avec laquelle nous travaillons en effet depuis pas mal d'années et où depuis 5 ans nous proposons cette nuit d'une jazz qui n'est pas une vraie nuit, mais enfin qui est un grand moment constitué de 2 ou 3 concerts, donc ça sera 2 concerts cette fois-ci, et donc ça donne l'occasion d'un voyage comme ça musical dans cet univers qui est tout à fait important, me semble-t-il, de proposer et de faire. D'ailleurs, je crois que le public ne s'y trompe pas, car il apprécie ses rendez-vous. Samedi 17 novembre, à partir de 19h30, attention, hein, c'est ce horaire inhabituel pour les concerts. De se coucher trop tard, tout simplement. Voilà. Avec effectivement l'exceptionnel Ibrahim Malouf qui sera sur scène à cette occasion. Et je voyais d'ailleurs dans son répertoire l'occasion de nous mettre un peu en appétit de musique, montrer que tout cela se croise et s'échange dans ce milieu-là, parce que son répertoire allie musique arabe de ses origines aux sonorités mystiques, en passant par le blues, le rock, le jazz, le rap et même l'heavy metal. C'est dire que le cocktail promet d'être explosif à cette occasion. Finissons cette émission autour la résidence, d'une autre résidence d'Antoine Cobès, qui aura lieu en particulier pour les premiers rendez-vous les 13 et 14 décembre, autour d'une adaptation d'un texte, dit-on, le plus difficile au monde de James Joyce. Alors, en effet, Antoine Cobé est en résidence au théâtre depuis une petite année maintenant. Et donc, Antoine Cobé avait ce projet depuis longtemps de monter ce texte de James Joyce. Alors, il faudrait lui demander, ce qu'on a d'ailleurs fait en son temps, mais pourquoi il était obsédé par ce texte. Mais en tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a des artistes comme lui, comme celui qu'on vient de recevoir Jean Bellorini avec Paroles gelées, le texte de Rabelais, qui, en fait, aime bien faire dans une forme de difficulté. Je pense que ce n'est pas pour le plaisir de la difficulté, c'est plus pour le plaisir de faire entrer des spectateurs dans des univers qui leur parlent beaucoup. Et là, en l'occurrence, ce Fine Gun's Wake, dont James Joyce disait lui-même, paraît-il, qu'il ne fallait pas le lire pour soi-même, mais il fallait le parler, le dire tout haut, pour un peu comprendre un petit peu quelque chose à ce texte et qu'il prenne sa complète résonance. Donc, le travail qu'a réalisé Antoine Cobé sur ce spectacle, où il y a un seul comédien, d'ailleurs avec une marionnette, par parenthèse. Quel comédien ? Oui, Sharif Andoura, oui, qui est un comédien absolument magnifique, à plus d'un titre, et il est dans un genre différent, l'équivalent de Serge Maggiani, à moins que je ne sois en mesure de dire que ce soit l'inverse. Mais dans un sens comme dans l'autre, c'est des acteurs de très grande force, et qu'il faut que ce soit des acteurs de cette trempe pour porter des textes de cette nature, et qui nous font entrer dans des univers insoupçonnés. Alors, cette remarque ne veut pas dire qu'il faut renier les textes classiques, les beaux textes classiques, les Racine, les Corneille, les Molières, les Shakespeare, que sais-je encore, mais bien peut-être ouvrir sa tête à ce que des poètes ont voulu nous faire partager. Et en fait, c'est ça la grande force du théâtre, et c'est de nous pousser, de nous forcer d'une certaine façon, à partir du moment où on est assis dans la salle de théâtre, à ouvrir la tête et entrer dans la proposition qui est faite. Et véritablement, c'est un très bel exercice. 13 et 14 décembre, en effet, sur ce Fine Gunswick. Et puis, on n'a pas souvent l'occasion d'entendre James Joyce sur le scène de théâtre. Absolument, ça sera au Théâtre des Louvrets à Pontoise, notez-le bien. Et pour ceux qui voudraient avoir juste une petite info supplémentaire concernant Antoine Cobet, donc autre artiste en résidence à l'apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, Antoine Cobet était jusqu'à l'année dernière artiste associé au Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes. Voilà qui est dit. Il est l'heure pour nous, eh bien, de la pause musicale. Non, c'est plus qu'une pause, puisque c'est une proposition, un choix fait par Pierre de Bettmann qui nous a choisi. Ah, j'ai choisi effectivement un morceau de Herbie Hancock, le susnommé, qui est un morceau extrait d'un disque qu'il a fait en 1963, dont la particularité, en trio ou en quartet avec un percussionniste, piano, contrebasse, batterie et percussionniste, et qui a la particularité, le disque, d'avoir été quasiment improvisé d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'il a, alors que c'est un type qui s'affirmera, qui s'était déjà affirmé par la qualité de son écriture, a pris le parti presque au moment où il démarrait sa carrière de faire également un disque quasiment improvisé avec juste quelques directives de départ, et ça donne à mon sens un des plus beaux disques de sa discographie. Eh bien, on invite les auditeurs à prêter l'oreille. Vous en avez pensé quoi ? Eh bien, la question s'adresse à Jean-Joël Le Chapelins, directeur de la scène nationale L'Apostrophe, autour eh bien, d'un projet qui a été fortement apprécié et partagé. C'était à la rentrée du mois de septembre, le projet Attraction, un projet bien inédit, en trois étapes, puisque ça a été présenté à la fois dans le cadre de Cergy-Soie, mais aussi à l'abbaye de Maubuisson et à la salle des Calandres à Éragny-sur-Oise. On entendra dans quelques instants l'interview réalisée à cette occasion de Johan Le Guilherme, mais pour l'heure, retour sur expérience. Oui, alors évidemment, je ne vais pas avoir un avis négatif sur cette opération que nous avons portée, qui était portée aussi par deux autres partenaires qui sont le Festival Cergy-Soie et puis la Nilan Mirari dans le cadre de Festival Artère Publique, qui c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que l'exposition de Johan Le Guilherme était présentée à Éragny et à Saint-Ouen-le-Monde. Donc c'est véritablement une opération absolument formidable d'avoir comme point focal de rencontre évidemment l'originalité du travail de cet artiste tout à fait atypique et exceptionnel dans son genre, puisqu'il est multicarte, il est à la fois un performeur mais aussi un plasticien hors norme et puis un concepteur d'images de toutes sortes, enfin d'images d'objets de toutes sortes, et puis dont il sait d'ailleurs parler, et je crois que l'interview illustrera cette dimension qui est celui d'un espèce de chercheur, de facteur cheval peut-être un petit peu de notre époque. Et donc c'est véritablement une très belle opération que nous sommes contents d'avoir menée avec les partenaires indiqués, et j'espère que nous pourrons renouveler ce type d'action. Et nous sommes aussi très heureux d'avoir pu montrer pour la première fois ici en Île-de-France, en dehors de Paris, ce travail, puisque cela fait 10 ans que Johan Le Guilherme, du fait des contrats qu'il avait avec la Villette, n'avait pas pu présenter son travail en Île-de-France. Mais je dois la vérité de dire qu'il avait déjà rencontré le public de Cergy-Pontoise avant cette période-là, puisque dans les années 90, il avait déjà été invité par mon prédécesseur, et c'était donc une deuxième venue pour lui à Cergy-Pontoise. Mais après 10 ans, je pense que c'est une nouvelle génération qui ont pu le rencontrer, et c'est une très bonne chose comme ça. Une personnalité tout à fait singulière, assurément, pour un travail très impressionnant. Nous sommes allés à sa rencontre. Donc dans ma recherche, je tombe sur des choses qui m'étonnent, qui m'interpellent, et je me dis que si elles m'interpellent, il y a des chances que ces choses interpellent d'autres personnes. Et à partir de là, je fais partager mes surprises dans mes recherches aux spectateurs. Dans une conversation, interview, vous avez dit « Je cherche toujours l'extraordinaire, je montre toujours les effets de mes observations, et il est vrai que la matière accumulée me permet d'avoir aujourd'hui de plus en plus de choix pour composer. » Oui, alors dans Monstration, d'abord, je définis monstration comme un cirque mental, c'est-à-dire que je propose des objets que je définis plutôt comme des outils. Ce sont des outils d'observation. Le public peut manipuler ces outils. Les outils sont accompagnés de petites vidéos qui sont des modes d'emploi des outils. Donc ils servent juste à donner quelques directions d'utilisation des outils. Mais ensuite, je n'oriente pas trop sur ce qu'il faut voir, parce que c'est le spectateur, en entrant dans la logique des outils, qui va rencontrer des choses qu'il connaît intimement, mais qu'il ne reconnaît pas forcément, alors que chacun peut reconnaître des choses qu'il connaît. C'est permettre à chacun de se laisser porter par son propre imaginaire. Oui, libre à chacun, et chacun a un point de vue sur le monde, et aussi bien dans le spectacle que menstruation, chacun voit ce qu'il voit lui-même. Aussi bien dans le spectacle que dans Monstration, je n'impose aucun point de vue. Ça nous rappelle effectivement des recherches beaucoup plus lointaines, plus anciennes, qui auront marqué l'histoire de l'humanité. Je pense à Archimède, je pense à Newton, la gravitation universelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a un petit peu guidé dans votre recherche, parce que quand on parle de gravitation universelle et attraction, on se dit on n'est pas bien loin de cette poursuite dans la recherche, non ? Non, j'ai entendu parler de ces gens-là, mais je ne suis pas très... Non, mais finalement, quand on part dans un domaine de recherche, on repasse forcément par des choses qui ont déjà été explorées. Pendant mes étapes de recherche, je me suis senti souvent dans l'état d'un alchimiste plus que d'un scientifique, quelqu'un qui tente. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Ainsi s'achève notre émission, l'apostrophe l'émission, une fois par mois, c'est le deuxième mercredi de chaque mois. Cette émission sera rediffusée également cette semaine, samedi 17 novembre de 9h à 10h sur votre radio locale RGB sur le 99.2 FM ainsi que sur internet, je le précise à tous, au www.radiorgb.net et plus encore disponible en podcast sur le site de la radio. C'est dire que on pourra vous écouter eh bien ici et là. Notre prochaine émission pour le mois de décembre, eh bien c'est prévu pour le mercredi 12 décembre de 19 à 20h. Vous pourrez également retrouver les actualités de l'apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise au www.l'apostrophe.net l'apostrophe.net et la billetterie est ouverte au 01 34 20 14 14 01 34 20 14 14. Avant de saluer tous nos invités, je voudrais remercier Arnaud Vasseur et Elisabeth Boss qui ont préparé, aidé à la préparation de cette émission. Tous nos vifs remerciements à eux et remerciements également à l'ensemble des participants. Les artistes, Serge Maggiani, quel bonheur de vous retrouver au plus vite sur scène. Pierre de Bettman, Denis Chabroulet et Jean-Joël Le Chapelain au mois prochain, en ce qui vous concerne. Je l'espère, cher José, à bientôt. Très belle soirée à l'écoute des programmes de RGB sur le 99.2 FM. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.